êtes arrivé. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Good afternoon, Toronto. Listen to CHRY 105.5 FM. My name is Mathieu. The show is called Sous Pression. I'm going to be with you until the end of the hour playing some French language punk, ska, and hardcore. And stay tuned. We've got a great show for you today. We got a little something special. We got an interview with the French punk band Poésie Zéro. They're going to be talking to us straight from France, live. So stay tuned. It's going to be a great show. C'était Poésie Zéro avec Boulot, de leur album L'Album Bleu, ici à Sous Pression, aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure et je vous fais jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français. Et j'ai commencé avec du Poésie Zéro parce que un peu plus tard dans l'émission, on va parler avec le groupe, ou en tout cas au moins un membre du groupe. On va faire une petite entrevue, je vais les appeler, on va parler en direct, Canada, Québec, Canada, France, là, un petit appel téléphonique. Alors, restez à l'écoute pour ça. En attendant, ça sera un peu plus tard dans l'émission, on a peut-être 10 minutes, mais on continue avec la musique. Je vais jouer une chanson par les partisans, Sous la pluie, Rude Boy, à Sous Pression. Dans le noyau Tu marches dans ton quartier car tu n'as rien à faire. Il y a beaucoup de travail pour les classes populaires. Salut, vous êtes de retour aux ondes de sous pression. Dans le dernier bloc, on a écouté du Nick à feu, la chanson Pit de sable, leur album Le lendemain de veille pour les pas fiables et les partisans avançants sous la pluie Rude Boy. Alors, si tout a marché, là, notre machine fonctionne bien, alors, on devrait avoir FX en ondes. T'es-tu là? Ouais, je suis là, oui. Ah, parfait. Alors, c'est bien ça. Je t'avais pas demandé avant d'arranger l'entrevue, c'est bien. Ton nom, c'est FX ou. Ouais, c'est bien FX, est-ce que les autres sont nuls, alors du coup, il n'y a que moi qui parle. Ok, alors pas faire, alors c'est ça, voilà. Seulement toi. Alors, merci beaucoup d'avoir nous accordé l'entrevue. Merci à toi, parce que t'es le seul média, le seul grand média qui nous a accordé une interview depuis la sortie de l'album. Alors merci, merci de nous permettre de plus être censuré. Voilà. Ah, ben ça me fait plaisir. D'accord, pourrais-tu nous présenter le groupe? Peut-être te parler un peu de l'histoire de Poésie Zéro? Bah, Poésie Zéro, au début, c'est surtout une grosse volonté politique, en fait, de dire ce qu'on a à dire, en fait, parce que il y avait des textes que j'avais à dire depuis des années, en fait, et voilà. Alors voilà, j'ai tout mis sur le papier, puis on a fait un groupe de punk, et puis à la fin, bah, ça a été nul, mais ça a quand même été cool, alors voilà. D'accord. Alors, vous faisais-tu partie de groupes avant Poésie Zéro? Ouais, en fait, je suis le batteur d'un groupe qui s'appelle Justine. Ah oui. Je sais pas si tu connais. Bah, oui, je connais. Donc, je suis batteur de Justine. J'étais chanteur dans un groupe qui s'appelle toujours Mon Autre Groupe. J'ai été batteur dans Maladroit. J'ai été batteur-chanteur dans un groupe de grime qui s'appelait 2909. Donc, j'ai eu pas mal de groupes jusque-là. Alors, fais-tu toujours partie de Maladroit? Non, j'ai arrêté Maladroit et Mon Autre Groupe. En fait, maintenant, je joue plus que dans Justine et Poésie Zéro. Ok, d'accord. Non, je me demande parce que l'année dernière, quand Maladroit était venu au Canada, on avait fait une entrevue avec Maladroit. Alors je. Non, ça doit être Chamoul qui m'a remplacé à la batterie. Ouais. D'accord. Et d'où vient le nom Poésie Zéro? Bah, comme je te disais en fait tout à l'heure, on avait vraiment une grosse envie de faire un. Enfin, on l'avait en fait. Non, je vais parler en mon nom parce que c'est moi qui décide. En fait, j'avais envie de faire un groupe de punk dans lequel je pourrais chanter parce que ça faisait hyper longtemps que je voulais chanter tout seul dans un groupe de punk rock. Et puis au lieu d'écrire des chansons qui voudraient pas dire grand chose. Ou d'essayer de dire des choses mais de les dire mal. J'ai préféré prendre le parti d'assumer le fait de dire les choses très mal. Voilà. Donc j'ai décidé avec les autres d'appeler le groupe Poésie Zéro. Comme ça, il y avait aucun souci sur le fait que le texte était nul et qu'on emmerde tous ceux qui pensent ça le contraire, en fait. Si des gens veulent trouver ça bien, ils ont tort. C'est vraiment très nul. Donc voilà. D'accord. Vous n'êtes pas un groupe prétentieux du tout. On est extrêmement nul. C'est-à-dire que si on a bien une prétention aussi, c'est celle d'être nul. Et donc, il faudrait pas venir nous faire chier avec ça. C'est-à-dire qu'on est les plus nuls. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'autres groupes. Il y a des groupes médiocres, il y a des groupes passables, il y a des groupes dont on se branle totalement. Non, nous, on est extrêmement intéressants par notre nullité. Voilà. Vous êtes les plus nuls des nuls. Ah sans aucun contest, ouais. On est sans doute même aussi les plus nuls sur scène, et donc ça c'est hyper bien. Et les autres membres du groupe, pourrais-tu les présenter? Ils sont pas là avec vous, mais avec toi. Ouais. Alors, il y a Baptiste, en fait, qui est un mec cool, hein, qui est vraiment le plus cool du groupe et qui vit à Berlin maintenant. Ouais. Donc du coup, il est devenu encore plus cool et maintenant il roule avec un vélo fixie et tout. Et il a une barbe de 3 jours, des tatouages sur les bras. Enfin, lui, c'est un vrai punk cool. Il y a Priscillien, mais bon, lui, on s'en fout un peu parce qu'en fait, c'est le bassiste. Avant, il y avait Fabien qui a déménagé chez vous d'ailleurs, qui vit à Toronto ou une connerie comme ça, je sais pas, une ville au Canada, mais on l'aimait pas trop, alors on l'a remplacé par un mec insignifiant. Et puis le dernier, c'est Elric, c'est le batteur, mais ça, alors là, je vais même pas en parler tellement on en a rien à branler, puisque de toute façon, il fait la même chose que n'importe quel autre batteur de punk rock, et voilà. Okay. Et il est triste dans sa vie, il s'emmerde et tout, mais il est très content de s'emmerder. Lui, c'est un vrai punk aussi dans sa tête. Okay. Voilà. Merci. Poésie Zéro, vous donnez l'impression d'être bien occupé. En préparant mes questions, j'ai vu que, à part que vous avez sorti votre nouvel album, l'album bleu, au mois de juillet. Ouais. C'est le quatrième album ou split que vous avez sorti depuis Bonne Attitude, que vous avez sorti l'année passée au mois d'avril. Vous avez aussi les deux splits, je crois, avec. Les noms m'échappent. Le réparateur. Ah oui, c'est ça. Et alors, vous avez vraiment donné l'intention d'être un groupe bien occupé. Avez-vous l'intention de continuer à ce rythme-là, de sortir un album par année, ou avez-vous épuisé vos stocks de chansons? Alors, je te reprends, en fait, c'est le 28e album qu'on sort. Wow. Mais le souci, c'est qu'on adore mentir. Alors voilà. Donc, donc ouais, effectivement, on a sorti le deuxième album. On a fait, en gros, on n'est pas si productif que ça. C'est juste que, comme je te disais tout à l'heure, c'est assez facile d'être très nul. Donc du coup, on fait des trucs, on les enregistre, on en a rien à branler. Je sais pas, ça se dit au Canada, rien à branler, ou vous avez je m'en bats les gosses ou un truc comme ça. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. On en a vraiment rien à branler. Donc c'est-à-dire que on n'a aucun scrupule à reprendre des mêmes instrus pour refaire d'autres chansons avec d'autres paroles. On se marre comme on peut. Donc oui, du coup, on est productif, mais on a surtout GarageBand et puis voilà. Tu vois, le split avec le réparateur, par exemple, a été composé en à peu près 8 minutes. Wow. Et d'ailleurs, ça sent, parce que il a été composé en 8 minutes. T'inquiète, on a encore 200 EP sur les bras. Donc c'est des vinyles, ça coûte hyper cher. Bon, on en a rien à branler, on les a payés, puis on les a produits, et maintenant ça nous sert à rien, c'est hyper bien. Voilà. Est-ce que c'est difficile? Ça prend beaucoup d'efforts, être nul? Est-ce que ça vous vient naturel? Ouais, non, c'est alors en fait c'est pas, enfin je dis que c'est facile pour nous, parce qu'il y a pas mal de gens qui essayent d'être nuls, mais même dans la nullité ils sont médiocres, tu vois. C'est même pas qu'ils arrivent à être nuls dans la nullité, c'est ils sont médiocres, tu vois. Ils arrivent pas à être nuls. Donc du coup nous ces gens là on les encule profondément puisqu'on est parfaitement nuls. Donc nous, c'est une sorte de don, j'ai envie de dire. C'est pas, c'est travailler parce que c'est un don, tu vois. Genre tous les jours, on se lève le matin, on est nul, c'est cool. On est vraiment nul, tu vois. Enfin, et ouais. Du coup, on est nul, on s'entraîne à être nul, on est nul, super nul, quoi. Mais non, tu vois, c'est pas une quête de la nullité. C'est-à-dire qu'on fait ça assez naturellement, et puis à chaque fois, c'est hyper bien, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Et là, je vais vous poser une question concernant l'album bleu, plus spécifiquement, ouais. le couvert de l'album bleu. C'est, en fait, pour ceux et celles qui l'ont pas vu, c'est l'album bleu, ça consiste du nom du groupe, Poésie Zéro, le nom de l'album, l'album bleu, et un arrière-plan vert. Alors, je vous demandais, est-ce que c'est un hommage au daltonisme, votre album, ceux qui ont de la misère à reconnaître les couleurs, est-ce que c'est... Non, c'est un hommage au bleu. Un hommage au vrai bleu. Et alors, je sais pas pourquoi, par convention, tout ça, on a décidé que le bleu serait le nom qu'on donnerait à la couleur qu'il y a dans le ciel de Toronto un jour d'été. Mais non, le vrai bleu est de la couleur de la pelouse. Alors, on commence à nous faire chier avec cette pochette là en nous disant ouais, vous êtes plantés, machin, mais couilles, rien du tout. La vérité, c'est nous, voilà. C'est il y a aucun problème là-dessus. Notre pochette est bleue, c'est-à-dire que Weezer s'est trompé, beaucoup de gens se sont trompés. Voilà, c'est notre pochette est bleue. Alors daltonisme, pourquoi pas. D'ailleurs, il y a des gens qui sont daltoniens, mais c'est pareil, on les encule. Enfin, bon. Voilà. Ah d'accord. Alors c'est un peu un message anti-autoritaire au monde, aux autorités qui vous dictent que la couleur bleue a l'air d'une certaine couleur. Un peu, tu vois, parce que mine de rien, on est nul, mais on est quand même super punk. Enfin, oui. On est voilà. Il y a, tu vois, genre il y a des punks pour dire que la société c'est de la merde, machin. Ils vont arrêter de travailler, tu vois. Ils vont dire ouais, moi je travaille pas, je vis avec mon chien, j'encule la société. Bah tu vois, nous ces punks là on est sur punk, puisque nous on travaille, on gagne de l'argent, on fait des disques et on dit de la merde. Donc on est au-dessus d'eux, tu vois. Donc on est hyper punk, on a un discours anti-vérité. Donc on est encore plus punk que les punks qui diraient que la société nous ment, puisque nous on ment à la société, toi, par exemple. Tu comprends ou pas? C'est pas facile à suivre. Parce que moi, c'est très très clair dans ma tête, mais j'ai bien compris qu'il y avait une partie de la population qui avait une sorte d'intelligence médiocre là, qui arrivait pas du tout à suivre et qui faisait juste que hocher la tête à chaque fois que je parlais, mais qui comprenait que dalle à ce que je disais. Mais bon, le principal c'est que je me comprenne et que je suis sûr que nous on est sur punk, voilà. Ah d'accord, non, je comprends, c'est voilà. C'est un défi. Ouais. Le groupe nul, super punk. Ah ouais, c'est au-dessus, au-dessus de pas mal de choses, voilà. D'accord. Et vous êtes présentement en cage, parce que je suis bien sûr le groupe Poésie Zéro sur Facebook et j'écoute les chansons, mais vous êtes présentement engagé dans une lutte pour attirer l'attention de MyRock afin d'avoir une critique dans le magazine. Comment va le combat? Bah, ça, c'est assez difficile parce que tu vois, toi, tu es un média, tu as réagi assez bien à nos demandes d'interview parce que tu vois, il y a une sorte de problème dans le monde du punk rock qui n'y a pas dans les autres styles. C'est-à-dire que dans le monde du punk rock, tu dois pas demander à avoir une exposition dans les médias, tu vois. Donc en gros, t'es là, tu as ton petit groupe de merde, personne en parle, mais t'es limite content que personne en parle, mais t'aimerais bien que les gens en parlent parce que t'aimes bien ton petit groupe de merde. Enfin bon, une sorte de micmac dont tout le monde se branle, mais à la fin t'es triste. Alors moi, j'ai envie de me battre pour justement exposer ma musique au monde. Donc j'ai dit, mais ça date pas d'hier, hein, ce combat, parce que j'ai dit à MyRock, là, j'ai demandé à MyRock une chronique en faisant une chanson quand même pour eux. Donc MyRock, je sais pas si vous voyez ce que c'est, au Canada, c'est distribué au Canada, MyRock, ou pas? Je crois que non, je crois pas. Non, vous avez un équivalent, non, en magazine comme ça, un peu rock. Oui, ça doit, là, oui. Ouais, ça, ou un truc un peu tinege, quoi, tu vois, avec pas mal de gens maquillés et de gros tatouages dedans. Ouais. Enfin. Donc bon, moi j'ai envie que mon groupe soit là-dedans parce qu'il mérite d'être là-dedans puisqu'il est super nul. Alors voilà, donc j'ai demandé à MyRock en faisant une chanson d'avoir une chronique. Alors eux, tout ce qu'ils me répondent, c'est d'envoyer un disque. Bah alors du coup, nous on a même pas de disque, tu vois, et qu'est-ce qu'ils me font chier avec des disques? Donc on va pas leur envoyer des disques. Ouais. Mais déjà à l'époque, on avait dit à Rock One que Rock One c'était un autre magazine, c'était l'ancêtre de MyRock. D'ailleurs, je vais essayer de le dire avec l'accent, Rock One, un truc comme ça. Parce que, et du coup, pareil, ils nous avaient totalement ignorés. Alors, je pense que les médias complotent en fait, tout simplement. Et lors de grandes tables rondes, décident qu'il y aura une sorte d'embargo sur la diffusion de Poésie Zéro. Et voilà, c'est l'omerta. Il y a personne qui parle. Et voilà, mais moi je sais en fort intérieur que les gens, que les grands médias, que les grands de ce monde censurent Poésie Zéro parce qu'ils ont bien pris en compte le danger que ça représentait pour la population. C'est-à-dire que dans la grande quête de la vérité, voilà, des gens causent mentir, ça ne va plus pour eux, ça ne va plus du tout. Voilà. Alors c'est comme un complot contre Poésie Zéro? Exactement, c'est un complot médiatique contre Poésie Zéro. Voilà, c'est une censure caractérisée de notre groupe. Voilà, il y a aucun souci là-dessus parce que on est extrêmement nul. Donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit aussi à notre petit quart d'heure de gloire à la télévision ou sur Internet ou dans d'autres médias que sur ta radio, hein, parce que voilà, bon, c'est quoi, c'est CRI, c'est HRI, comme on dit, la radio. C'est une très bonne radio. Tu vois, toi tu oses nous ouvrir une fenêtre de parole, mais bon, faut t'attendre demain à te retrouver avec les deux pieds dans le ciment au fond d'un lac gelé, hein, parce que là c'est dangereux ce que tu fais. Voilà tout. Ah ben merci pour l'avertissement, je vais surveiller moi. Je me surveille. Ah bah ouais. Ouais, mets tes après-ski, j'ai envie de dire, parce qu'il va faire froid d'un coup. Ouais. Non, certainement. Alors, pour réduire le risque à ma vie, je vais peut-être changer de sujet un peu. On parlait d'un complot contre Poésie Zéro. Vous, Poésie Zéro, êtes-vous à la tête d'un complot contre le punk acoustique? Alors, pourquoi faites-vous chier le punk acoustique? Alors non, c'est pas un complot contre le punk acoustique. Ah, un complot, ça serait quelque chose d'un peu, tu vois, d'un peu secret, d'un peu, tu vois, qui on entendrait des murmures, on entendrait des rumeurs sur le fait que Poésie Zéro peut-être envisagerait un jour détruire ce courant qui est le punk rock acoustique. Non, c'est pas du tout un complot, c'est un fait. Nous sommes partis en guerre contre le punk rock acoustique, donc c'est-à-dire que voilà, alors voilà, je vais parler à mon nom parce que ça engage les autres aussi, mais on s'en branle. Je hais au plus profond de moi-même, oui. toutes les personnes qui peuvent prendre une guitare acoustique et se mettre à chanter, pourquoi pas accompagné d'un djembé tant qu'on y est, des chansons contre l'ordre établi ou voilà en train de dire ouais la société c'est de la merde machin avec sa petite guitare. Non, c'est de la merde. Déjà le punk rock est fait pour être nul. Alors si tu vas pas jusqu'au bout, tu vas pas jusqu'au bout de ton idée et que tu restes avec ta petite guitare acoustique oui. et que tu décides pas de monter un groupe pour être vraiment nul ensemble, non, ça a aucun intérêt. Ah, d'accord, et même si, parce que j'ai fait une recherche pour les clips de Poésie Zéro sur YouTube, oui. et j'ai trouvé, il y avait un enregistrement, un clip de Poésie Zéro où des gens parce qu'on voit pas vraiment les figures, mais les gens qui font des chansons de Poésie Zéro en acoustique, est-ce que c'est Poésie Zéro, c'est vous, c'est le groupe, c'est toi ou c'est des imposteurs? Alors comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on décide d'être nul. Alors au bout d'un moment, si on est en guerre contre le punk rock acoustique, qu'est-ce qu'on fait? On fait du punk rock acoustique. Ah d'accord, voilà. Je comprends. Pour aller sur le terrain, nous on est des hommes de terrain, on met les rangeos, on met le casque et on va botter le cul à tous ces petits cons qui font du punk rock acoustique. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on s'est retrouvé dans une salle de 300 personnes où il n'y avait pas moyen de brancher une batterie ou de taper sur une basse. Alors du coup, on a fait un concert acoustique. Voilà. Et donc nous, on a fait un concert acoustique et on a enterré le punk rock acoustique français. Voilà. Il y avait aucun doute là-dessus. On les a tués tellement on était pourris à chier. Voilà. Il y a d'autres personnes aussi qui se sont dit que ça allait être marrant de reprendre du Poésie Zéro en acoustique. Alors peut-être qu'on leur a dit, allez-y, faites des reprises. Et ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire, c'est de prendre leur putain de guitare sèche et de faire des reprises en acoustique. À ces gens-là, je leur pisse au cul. Voilà, c'est de la merde ce qu'ils ont fait. Et peut-être que je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'ils meurent. Voilà. D'accord. Non, juste une question. On a la misère un peu à t'entendre juste à la fin. Là. Je ne sais pas si c'est le... C'est sans doute le réseau français ou peut-être le complot des grands médias qui tentent de me censurer. Voilà. C'est clair. Oui, non, absolument. Alors, vous, le groupe est présentement, t'es présentement à Paris en ce moment? Le groupe est basé à Paris aussi, si je ne me trompe pas? Alors, le nom du groupe, oui. c'est-à-dire que la stèle fondatrice du groupe est basée à Paris. Mais alors, l'intégralité de ses membres est un peu éparpillée. Ah, d'accord. Voilà. Alors, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas si vous avez une vision globale de la géographie française, parce que moi, j'ai absolument aucune vision globale de la géographie canadienne, par exemple. Oui. Si tu me dis, ouais, vas-y, je vis dans l'Ontario, machin, mes couilles, je ne sais pas du tout. C'est... Alors, pour t'expliquer, moi, j'ai déménagé il y a 3 mois, à environ 400 kilomètres de Paris, à l'ouest de Paris. Mmh. Le guitariste Baptiste est parti à environ 800 kilomètres à l'est de Paris, c'est-à-dire à Berlin. Oui. Et puis les deux autres personnes insignifiantes, elles, vu qu'elles sont insignifiantes, elles ont décidé de rester à Paris. Mais bon, vu qu'elles restent à Paris, tu vois, et qu'elles sont insignifiantes, c'est pas elles qui vont continuer le combat. Donc voilà. Donc nous, on a décidé de continuer le combat de manière un peu éparse, tu vois. On va sans doute faire un concert là à Paris dans quelques semaines. C'est-à-dire que pour l'empreinte écologique, c'est un peu la merde, quoi. Tu vois, moi, je vais prendre le train, le guitariste va prendre l'avion, les autres vont prendre le métro. Enfin, c'est le bordel pour aller jouer devant 30 personnes dans un tout petit bar à Paris. Donc voilà, c'est pareil. L'écologie, un peu là, c'est pas vraiment le combat pour l'instant. Voilà. D'accord. Mais si vous êtes un peu toutes éparpillées, quand vous faites des concerts, faites-vous plus souvent des concerts en France ou avez-vous la chance de sortir du pays? Non, là pour l'instant là, c'était vraiment axé sur la France parce qu'on était à l'époque on était encore tous à Paris, donc c'était un peu plus simple. Mais là je t'avoue que vu l'éparpillement qu'il y a depuis ces derniers mois, je pense que les concerts vont être un peu ralentis, mais peut-être qu'on va lancer un projet, tu vois, une sorte de groupe en licence libre où les gens pourront s'approprier le répertoire de Poésie Zéro et jouer le répertoire de Poésie Zéro sans avoir à payer, tu vois, et puis terminer. Donc le groupe continuera d'exister avec des membres encore plus nuls, mais peut-être qu'ils l'assumeront moins, tu vois. Ah, d'accord. Et est-ce que en France, ou à Paris, en France, ailleurs, de n'importe où, est-ce qu'il y a des groupes, selon toi, qui sont aussi nuls que Poésie Zéro ou qui s'approchent au niveau de nullité de Poésie Zéro que vous écoutez, que tu écoutes, que tu pourrais nous suggérer ou... Il y a vraiment beaucoup de groupes nuls. Hein. Il y a qu'à voir dans tout Guérilla Assaut, il y a quand même beaucoup de merde. Le seul problème, c'est que ces groupes de merde ne se rendent pas compte. Alors du coup, il y a aucun combat, il y a aucune saveur, il y a rien du tout. Voilà. Mais bon, il faut quand même écouter tous ces groupes. C'est pareil, tous les groupes de carnage punk rock, machin. Ouais. Il faut les écouter pour bien avoir la saveur de la nullité. Tu vois, voilà. Et puis il pourra après tout simplement revenir vers Poésie Zéro et se dire que voilà, s'il faut écouter des trucs nuls, autant écouter la base et terminer. Voilà. Ouais, et les groupes à l'extérieur de la France, les groupes, est-ce que des groupes du Canada, des groupes canadiens, est-ce qu'on, il y en a une couple, quelques-uns qui ont la chance de tourner ou de visiter la France. Ouais. En connais-tu, est-ce qu'il y a, en connais-tu, est-ce qu'il y en a des groupes canadiens selon toi qui sont nuls? Avec les groupes canadiens, en fait, il y a je connais Vulgar Machin. Ah, bah oui, d'ailleurs. Oui, oui. Vulgar Machin, c'est vrai. Je sais même pas comment il s'appelle le chanteur, mais c'est lui qui est dans l'intro. Ouais, c'est Guillaume. Premier album. Donc voilà, c'est lui qui fait l'intro de notre premier album. En disant que ceux qui n'aiment pas les Poésie Zéro sont tous des enculés, et il a bien raison. Mais le problème, c'est que j'ai jamais vraiment, vraiment trop écouté Vulgar Machin, mais je sais qu'il y a deux, trois chansons qui sont pas nulles, voilà, qui sont pas nulles, ça passe plutôt bien. Mais par contre, il y a d'autres groupes dont je connais le nom, et le problème, c'est que je m'en branle totalement. Voilà, donc je pourrais citer des noms. Je sais pas si ça leur ferait plaisir, mais est-ce que ça serait plus drôle que ça leur ferait plaisir? Peut-être. Par exemple, Brixton Roberts, je connais le nom, mais je m'en branle totalement. Sainte-Catherine, je connais le nom, mais je m'en branle totalement. Et puis, en allant plus loin, Céline Dion, dont je connais le nom, mais je me branle totalement. Et puis quelques trucs comme ça, quoi, comme Garou, que vous nous avez filé il y a quelques années. Oui. C'est pas forcément un cadeau, ça, vous pourriez le reprendre, hein, à la première occasion. Donc voilà, je lance un appel au peuple canadien pour reprendre, tout simplement, Garou, et aussi une flopée de putains de présentateurs télé de merde qui pourrissent nos jeux télé en France. C'est-à-dire que j'aime pas forcément votre accent, mais je préfère continuer chez vous. Alors c'est pas raciste du tout, c'est juste que ça me fait chier à la télé de voir une sorte d'invasion de présentateurs québécois. Voilà, ça m'énerve. Voilà. Ah ben, dans ce cas-là, tu pourrais être à la tête de la nouvelle d'une invention française au Canada. Avec l'accent français, parce que là... Ah oui. Ben, attention, parce que pour avoir été au Canada, je sais que vous n'êtes pas forcément friand de l'accent français non plus, hein. Parce que vous nous prenez pour des petits cons têteux et prétentieux, tout ça parce qu'on sait mieux parler que vous. Ça, c'est pas gentil non plus, hein. Non, t'as raison, c'est notre faute, on a tort, nous au Canada, les francophones au Canada, il va falloir qu'on prenne un peu de temps à réfléchir vraiment et à examiner nos préjudices parce qu'on ça, je crois qu'on en a contre les Français. Mais je pense que la meilleure solution à tout ça serait finalement une bonne guerre, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose pas grand chose qui pourrait nous sauver d'autre qu'une bonne guerre, tu vois, une bonne guerre franco-canadienne. Qu'on pourrait se donner rendez-vous au milieu de l'Atlantique et puis se balancer quelques bombes sur la gueule, et puis ça serait plutôt bien. Et à la fin, tu vois, chacun remporte son garou et puis son petit français pourri, et puis voilà. Ouais. Hein, voilà, il y a pas de raison d'entretenir cette amitié franco-canadienne qui caractérise la relation internationale depuis des années. Non, d'accord. Je suis d'accord. On pourrait. Je me servirais de mon influence ici avec les médias franco-canadiens pour essayer de pousser un peu le gouvernement canadien à déclarer la guerre, à faire la guerre contre la France. Ce serait pas une mauvaise idée. Ouais, bah ça je serais plutôt d'accord, toi. Alors du coup, c'est affreux d'être d'accord avec le mec qui veut déclarer la guerre. Ouais. Enfin, toi, là on commence à rentrer dans une contradiction. Je sais pas comment m'en sortir. je sais pas comment m'en sortir, mais je pense que t'as raison quand même. Alors merde, merde. Oh. Voilà. Ah ben. Ben, je vois, il me reste qu'une question. C'est une question, ouais? Oui, un peu habituelle. C'est le groupe Poésie Zéro. Avez-vous des là, maintenant que vous êtes un peu éparpillé dans les quatre coins de l'Europe, avez-vous des plans futurs Des plans futurs, soit comme je te disais, l'entité Poésie Zéro est créée maintenant. Elle va vivre par elle-même. C'est-à-dire que il y aura sans doute quelques clips qui vont arriver comme ça quand on n'aura rien à foutre. Un nouvel album, la porte n'est pas fermée à un nouvel album. Le principe, c'est que il va falloir juste attendre un petit peu que par exemple Berlin se rapproche de Rennes, tu vois. Enfin, bon, c'est quoi, c'est avec les plaques tectoniques, c'est l'histoire de quoi, de peut-être 500 000 ans. Oui. C'est pas si long que ça sur l'échelle de l'humanité. Hein. Non, pas du tout. Non. Donc, enfin sur l'échelle de l'humanité un peu quand même, mais sur l'échelle de, par exemple des amibes, voilà, c'est pas grand chose. Donc voilà, donc il y aura peut-être un prochain album, peut-être qu'il n'y en aura pas aussi. Mais surtout, peut-être que les gens s'en foutent, et ça serait énorme. Ça serait énorme que l'intégralité du monde n'en ait rien à carrer de savoir s'il y a un prochain album de Poésie Zéro ou pas, vu qu'on leur a quand même fourni deux albums d'une qualité extrêmement réduite, tu vois, une qualité de merde, tout simplement. Absolument. D'accord, ben merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir de parler à un des membres du groupe le plus nul au monde et aussi d'être à l'origine de la prochaine guerre franco-canadienne entre la France et le Canada. Ça... Eh ben, je suis bien fier avec ça aussi. Oui, d'accord. Ben, on se revoit sur le champ de bataille dans le milieu de l'océan Atlantique. Pas de souci. Eh ben, merci à toi et longue vie à la guerre. Ah oui, merci beaucoup. Alors, je vais continuer avec une chanson. Je vais vous aider, là. Je vais faire jouer la chanson « My Rock » de l'album Bleu, en espérant que My Rock écoute. Ah oui. My Rock, si tu nous écoutes, chronique-nous, bâtard, parce que ça serait peut-être sympa de faire ça au moins une fois dans ta vie. Voilà. Ah, excellent. Alors, voici « My Rock » par Poésie Zéro, sous pression. L'album de mon groupe, pourtant on est sympa. Y'en a qui sont tatoués et on a viré le chauve. Ouais, je voudrais une chronique dans My Rock, s'il te plaît. Je voudrais une chronique dans My Rock, s'il te plaît. Peut-être qu'il faudrait qu'on connaisse quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un qui travaillerait là-bas. Mais on a viré le chauve. Ouais, je voudrais une chronique dans My Rock, s'il te plaît. Je voudrais une chronique dans My Rock, s'il te plaît. Je voudrais une chronique dans My Rock, s'il te plaît. Je voudrais une chronique dans My Rock, s'il te plaît. D'abord, vous écoutez toujours Sous Pression, zone CHL Grec 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'entendre une entrevue, on vient d'entendre la chanson My Rock par Poésie Zéro. Et avant ça, c'était l'entrevue avec FX du groupe Poésie Zéro. Une bonne entrevue, bien intéressante, et vous l'avez, c'est ici, aux ondes de Sous Pression, que vous avez bien, que vous avez appris que l'histoire s'est faite. C'est un moment important dans l'histoire où on a déclenché la guerre franco-canadienne, la guerre du Canada contre la France. Ce sera une guerre majestueuse, glorieuse, majestique. Ce sera une guerre interminable. qui aura bien lieu dans le milieu de l'océan Atlantique. Alors, je remercie FX du groupe Poésie Zéro de nous avoir accordé l'entrevue, de nous avoir parlé, et en espérant que l'influence de Sous Pression, qu'on pourra influencer My Rock, le magazine de faire une chronique du groupe Poésie Zéro. Alors, je continue en musique avec le groupe, une nouveauté d'un groupe montréalais, un groupe de reggae. J'avoue que c'est une chanson que j'ai jamais entendue, j'ai pas encore écouté. C'est le groupe de Beatdown, de leur nouvel album, Walkin' Proud. Ils ont une chanson en français, la chanson Demain Jamais, je vais faire jouer ça. Mais avant de faire ça, je vous rappelle que l'émission Sous Pression a un site web, c'est le souspression.wordpress.com, souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web. Et pardon, si vous avez manqué l'émission, l'entrevue pardon, avec Poésie Zéro, vous pourrez l'écouter à partir du site web. On a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Si vous voulez nous contacter par courriel, vous pouvez faire ça aussi. C'est souspression@chry.fm. Alors c'est ça, je vais faire jouer la chanson de The Beatdown. C'est la première fois que j'entends, en espérant qu'elle est bonne. Mais le groupe, c'est un excellent groupe, alors je suis content qu'on fasse une chanson en français. Je vais jouer ça maintenant, la chanson « Demain, jamais » par The Beatdown, ici à Sous Pression. c'était l'escalope, la chanson Partir, leur album Yavendra Mi Tourno, ici à Sous Pression. Avant ça, on écoutait The Beatdown, la chanson Demain et Jamais de leur nouvel album Walking Proud. The Beatdown, un bon groupe de reggae de Montréal avec des membres, des anciens membres de One Night Band. Cet album-là, la seule chanson en français de leur album, mais c'est super cool qu'ils ont enregistré une chanson en français. Comme ça, je peux l'en faire jouer ici en nom dans l'émission. Alors, c'est ça, notre émission tire malheureusement à sa fin. J'ai le temps de vous jouer une dernière chanson. Je vais vous jouer une chanson par Gerbia, la chanson « Vouée à l'échec » de l'album du même nom, « Vouée à l'échec ». Mais restez en onde, s'il y a de l'excellente programmation qui s'en vient. Et n'oubliez pas de visiter le souspression.wordpress.com pour plus d'informations sur l'émission et bien sûr pour écouter et réécouter l'entrevue avec Poésie Zéro. Alors voici Gerbia, à la semaine prochaine. Au revoir.